en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. On retrouve tout de suite Philippe Gonin pour la première partie de son intervention sur son livre Animals de Pink Floyd qui vient de sortir chez Le Mot et le reste. Il nous en parle tout de suite dans British Connection. Salut, c'est Philippe Gonin dans British Connection. Je suis musicien, arrangeur, compositeur et aussi musicologue puisque maître de conférences à l'université de Bourgogne-Europe. Et j'écris aussi des livres et notamment des livres sur Pink Floyd. Le dernier est consacré à l'album Animals et c'est pour moi le quatrième volet d'une tétralogie qui commence avec The Dark Side of the Moon, se poursuit avec Wish You Were Here, Animals et se termine avec The Wall. J'ai eu envie d'écrire là-dessus et Le Mot et le reste m'a accordé sa confiance, une confiance qu'il m'accorde depuis maintenant une quinzaine d'années pour écrire ses ouvrages sur Pink Floyd et sur d'autres aussi. Alors, Animals est un album tout à fait particulier parce que je suis assez âgé maintenant pour l'avoir découvert au moment de sa sortie, ou presque. Je me souviens très bien de cette première écoute qui s'est faite chez un copain qui habitait le même immeuble que moi, quelques étages en dessous, et qui me dit « Bah tiens, viens, j'ai un nouveau disque, viens l'écouter à la maison. » Alors là, on était plus en 78 qu'en 77. Et il me dit « Il est marrant ce disque parce qu'au milieu, il y a des chiens et ça fait hurler à la mort le mien. » Son chien s'appelait Skippy et le copain s'appelait Frank. Mais lorsque j'écoute avec lui Animals pour la première fois, ce n'est pas ma première rencontre avec Pink Floyd. Ma première rencontre avec Pink Floyd, je la dois à une prof de français qui s'appelle Françoise Bressa et que je remercie depuis sans cesse de m'avoir fait entrer dans cet univers-là. Elle nous faisait faire des rédactions en cours et la première rédaction qu'elle nous a demandé de faire sur de la musique, c'était sur la version Umaguma de Set the Control for the Heart of the Sun. Je me souviens très bien de l'histoire que j'avais racontée à cette époque-là, j'avais 12-13 ans, hein, qui était une histoire de cow-boys et d'indiens, avec des indiens massacrés, une plaine où morts nous étaient allongés, des cadavres, etc., etc. Une histoire un peu sordide, un peu triste, il est vrai. Et cette prof de français a remis ça le trimestre d'après avec un autre morceau qui est Shine on You Crazy Diamond. Et là, l'univers était complètement différent. Je me souviens plus de l'histoire que j'ai racontée, mais on était dans un univers un peu plus, fantastique ou de science-fiction. En tout cas, c'était l'image que me donnait cette musique à cette époque-là. Et j'oublie pas non plus notre prof de gym, enfin on faisait de l'expression corporelle au conservatoire, on faisait pas de la gymnastique, qui nous avait fait faire de l'expression corporelle sur un morceau de Atom Heartmover qui s'appelle If. Et d'ailleurs, Atom Heartmover est le premier disque de Pink Floyd que j'ai acheté, puisque c'était le seul que possédait mon vendeur de disques et d'électroménagers dans le quartier où j'habitais, dans la banlieue de Lyon. Et c'est par Atom Heartmover que bien des choses sont arrivées ensuite dans mon existence et ça fait de ce disque un petit peu mon album fétiche des Pink Floyd. Mais c'est un autre album que j'ai choisi pour la première écoute et une autre chanson qui s'appelle Corporal Clegg. Alors pourquoi celle-ci? Eh bien parce que cette chanson, dans cet univers un peu de science-fiction qui prédominait quand même un petit peu chez le Floyd, avait un caractère particulier parce qu'elle a un certain cynisme déjà. Ce cynisme qu'on va retrouver dans Animals et qui n'est pas quelque chose de nouveau dans la manière d'écrire de Roger Waters. Alors voilà ce Corporal Clegg de 1968. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Thank you. De quoi parle le livre ? Le livre est consacré uniquement à l'album Animals, mais il le met en perspective évidemment avec ce qui est avant et aussi plus ou moins ce qui vient après. Et puis surtout il s'intéresse au texte, parce que si la musique du Floyd est évidemment et reste évidemment intéressante, il y a aussi les textes de Roger Waters, qui prennent de plus en plus d'importance. Dans Dark Side of the Moon, déjà il y avait quelque chose, on tournait autour des sujets qui étaient la société, l'existence. Dans Wish You Were Here, on parle de l'absence, et déjà on évoque plus ou moins le cynisme du monde musical. Or, dans Animals, on va aller carrément dans un album qui va s'intéresser à la politique et à la société en s'inspirant du modèle de la ferme des animaux de George Orwell. Roger Waters, lui, va simplement diviser la société en trois catégories. Les cochons qui dominent, les chiens qui aident les cochons à dominer et ceux qui sont opprimés, les moutons. Les pauvres moutons, évidemment, c'est le peuple qui subit, le peuple qui ploie et qui accepte de subir parce qu'il n'a pas la force de se révolter ou qu'il n'a pas les moyens de se révolter, même si le texte de Sheep semble le pousser à se révolter justement, à sortir de la route, à sortir du chemin qu'on l'a tracé et à gagner sa liberté. Le texte de Pigs est également intéressant. Il propose trois portraits différents de trois cochons différents, trois dominants différents. Le premier portrait est assez généraliste, il évoque les hommes d'affaires, peut-être les hommes politiques en général. Le deuxième est un tout petit peu plus ciblé, même s'il ne cite pas nommément la personne qui semble être visée, et qui en l'occurrence est Margaret Thatcher. Elle s'apprêtait à devenir à ce moment-là le Premier ministre du Royaume-Uni et on sent derrière une ou deux phrases que c'est bien elle qui est visée. Le troisième couplet est plus intéressant parce qu'il s'attaque à une personne qui œuvrait à la télévision, qui œuvrait à la radio, qui œuvrait à la tête d'une association pour sauvegarder les bonnes mœurs en Angleterre et faire attention à ce que rien ne dépasse. Son nom, à cette espèce de harpie quelque part, c'était Mary Whitehouse. Et dans le texte, évidemment, Waters attaque directement White House, sans dire son prénom. Ce qui fait qu'il y a eu confusion aux États-Unis notamment, lorsque le disque est arrivé et que les gens ont lu le texte, ils ont compris que Waters attaquait directement le résident de la Maison-Blanche, à savoir le président des États-Unis. Ce qui n'était pas du tout le cas. Les Français ne comprenaient pas mieux, puisque de toute façon, il fallait avoir la BBC et connaître cette Mary Whitehouse. Et je me souviens d'ailleurs d'un copain américain que j'avais au lycée, auquel j'avais demandé de me traduire ce texte, et qui m'avait dit « Je ne comprends pas ce que veut dire le texte ici, pourquoi la Whitehouse et pourquoi le texte après ?» Je m'étais dit que si lui ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, j'aurais du mal à comprendre moi. Et en fait, en tant que Français, j'allais pas mieux comprendre qu'un Américain. Il fallait bien être britannique, si tant est qu'on regardait la télé et s'intéressait un petit peu à ce qui se passait, pour savoir de qui il s'agissait et de qui était cette Mary Whitehouse. Évidemment, tout ça s'est éclairé par la suite et je tente aussi de l'expliquer dans le livre. Et c'est justement ce morceau, Pigs, que j'aimerais qu'on écoute maintenant dans British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Mmh.

retrouverons la semaine prochaine Philippe Gonin. Il nous parlera de la suite, deuxième partie de son livre sur les Pink Floyd Animals. Vous savez, le métier d'agriculteur n'est pas facile. Alors pour m'évader, j'écoute British Connection. Et vous ? Et on retrouve la deuxième partie de l'intervention de Philippe Gonin dans British Connection. Il nous parle de son livre sur les Pink Floyd qui vient tout juste sortir, s'appelle Animals. Animals apparaît un peu comme un album maudit dans la discographie de Pink Floyd. Il est coincé entre Wish You Were Here, qui est un grand succès, et entre The Wall, qui est également un autre énorme succès. Et au milieu de tout ça, on l'a un peu oublié. Et même les fans, sauf peut-être les plus hardcore, citent difficilement cet album-là comme étant leur préféré. Il est revenu en état de grâce il y a quelques années, et ce, à mon avis, pour une raison très simple, c'est que d'une part, son texte, ses textes, sont d'une actualité absolument troublante, et le fait aussi que Roger Waters, dans ses tournées, a réactualisé un petit peu tout ça. Évidemment, pour décrire cette société dystopique, et qu'il l'est peut-être de moins en moins, il a pu bénéficier, si je puis dire, et si tant est que ça puisse être un bénéfice, de la montée en puissance de gens comme Donald Trump. Il est bien évident que dans des tournées qui ont été Us and Them ou This is Not a Drill, Waters a pu, à travers des morceaux comme Pigs par exemple, se servir de Trump comme une cible. Trump y est décrit comme un porc, comme une prostituée, il y est montré une arme à la main, il y est également montré dans des images qui ne sont jamais à son avantage, et on peut le comprendre. Et donc, toute la diatribe qu'il y avait en 77 et qui correspondait à cette adaptation de La Ferme des Animaux, eh bien, elle est d'une actualité absolument brûlante aujourd'hui. Alors certes, il y a eu le remastering, et pas qu'un remastering d'ailleurs, puisque ça a même été un remix de l'album qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, et qui fait que côté business, ça a remis un petit peu Animals en avance sur le marché du disque floydien. Mais il y a aussi le fait que s'il a été éclipsé, c'est que pendant la période Gilmour du groupe, c'est-à-dire après le départ de Waters en 85 jusqu'à la fin des tournées en 95, 10 ans plus tard, de la période Gilmour, Animals a été complètement effacé du répertoire de Pink Floyd. Il a fallu que Roger Waters, qui a eu une longue période traversée du désert, revienne sur le devant de la scène en 99-2000, réinstalle des morceaux comme Dogs dans son répertoire, puis Pigs, etc., etc., pour que les gens qui, défaut d'aller voir Pink Floyd, d'aller voir Roger Waters, redécouvrent également cet album. Et c'est absolument fondamental de voir que dans les deux dernières tournées, Us and Them et This is Not a Drill, on a eu droit à l'intégralité, finalement, de cet album qui a été rejoué. Et on a bien vu que les fans étaient absolument ravis de retrouver ces morceaux qui avaient disparu du répertoire depuis plus de 30 ans. Pour terminer ce British Connection consacré au livre que j'ai écrit sur Animals de Pink Floyd, j'aimerais que nous écoutions Ship. Bonne écoute à vous, bon disque, bon livre, salut. Thank you. the day.